Une musique, un chant sort de son tourbillon. Ses cordages vibrants et remplis d'aquilons semblent, dans le vide tout sombre, une lyre, à travers laquelle, par moments, passe quelque amant fuite au fond du firmament et mêlé au souffle de l'ombre. Car l'air, c'est l'hymne épars. L'air, parmi les récifs des nuages roulant en groupes convulsifs, jette mille voix étouffées. Les fluides, l'azur, l'effluve, l'élément sont toute une harmonie où flotte vaguement on ne sait quels sombres orphées. Superbe, il plane, avec un hymne en ses agrès, et l'on croit voir passer la strophe du progrès. Il est la nef, il est le phare. L'homme enfin prend son sceptre et jette son bâton. Et l'on voit s'envoler le calcul de Newton monté sur l'ode de Pindare. Le char, haletant, plonge et s'enfonce dans l'air, dans l'éblouissement impénétrable et clair, dans l'éther sans tache et sans rides. Il se perd sous le bleu des cieux démesurés. Les esprits de l'azur contemplent, effarés, cet engloutissement splendide.